Météo et un topo, évidemment, inondation. Oui. Ah oui, je viens de voir ce que c'était push up. Bon, oui. Je reprends mes esprits. Oui, c'est le. En français, on dit push up, hein. Ouais. Oui, voilà, oui, j'ai trouvé sur internet, mais voilà, je reviens sur mes cartes météo et je vois déjà qu'il y a un orage qui sévit ce matin sur le sud du pays, région Virton-Arlon. Sinon, ailleurs, eh bien, on a des brumes, mais aussi surtout déjà du soleil et des températures qui vont continuer à grimper aujourd'hui. On attend comme hier 28 degrés en Campine, 26 dans le centre, 22 sur les hauteurs de l'Ardenne. L'instabilité est plus grande aujourd'hui encore, donc c'est vous dire qu'on aura encore des orages et qui pourraient potentiellement être violents. On va bien sûr suivre cela de près. C'est la dernière journée où on aura affaire à ces orages violents. Demain, ça va déjà commencer à changer et jeudi et vendredi, on reviendra à un temps plus frais mais sec. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, encore des orages, hier soir et des inondations. Des inondations qui ont fait 2 morts, un automobiliste en province de Namur et une dame à Welkenrade. En tout, plusieurs milliers de Belges ont vu l'eau monter inexorablement. Le temps de voir que le niveau du ruisseau montait, la maison est inondée, et le matériel électrique aussi, voilà. J'ai rien pu faire, ça va très très vite et puis même je pouvais rien faire. Nous ferons le tour des régions sinistrées dans un instant. La justice en colère, magistrats et avocats mèneront des actions ce matin pour réclamer plus de moyens. Les capsules de lessive ne sont pas des bonbons, trop d'enfants se font piéger. Le centre anti-poison rappelle les dangers d'intoxication. Aux États-Unis, Hillary Clinton est désormais assurée d'être la candidate démocrate pour la course à la Maison-Blanche, mais l'ancienne First Lady veut continuer à mobiliser ses partisans. Et puis à 3 jours du début de l'Euro, les Diables Rouges arrivent en France. Aujourd'hui, nous nous rendrons à l'hôtel de Bordeaux où l'équipe belge établira son camp de base. Et les éléments qui se sont donc encore déchaînés hier soir et ils ont semé la mort. Et notamment à Welkenrade en province de Namur, un orage très violent a éclaté. Il a tué une promeneuse de 77 ans qui s'était réfugiée sous un pont. Elle a été emportée par le torrent qui s'est formé à cet endroit. La victime a été retrouvée plusieurs heures plus tard dans un bassin d'orage. Le bourgmestre de Welkenrade, Jean-Luc Nix, explique les circonstances du drame. C'est un groupe de marcheurs en fait qui avait été se promener dans les bois de Grunau. C'est un bois qui est bien connu de la région ici. Et ils s'étaient réfugiés en dessous de ce pont et malheureusement ils ont été surpris par des trompes d'eau qui sont arrivées dans ce pont et ça ne leur a laissé évidemment aucune chance à la dame qu'on a retrouvée. C'est un pont qui est en contrebas, qui sert même d'ailleurs pour certains agriculteurs pour mettre des chars à foin en dessous pour les protéger. Eux se sont sentis protégés évidemment en dessous de ce pont sans savoir évidemment que des trompes d'eau allaient s'engouffrer dans ce pont. Et donc ils ont été emportés, ils étaient 7. Ils étaient 7. On a heureusement trouvé les 6 premières personnes qui ont été de suite emmenées à l'hôpital pour en état d'hypothermie. Mais bon, ils ont tous regagné leur domicile avec des blessures légères. Sauf cette dame. Sauf malheureusement cette dame, oui. Le bourgmestre de Welkenrade avec François Brébant, Welkenrade en province de Liège. Apparemment, je dis province de Namur, je ne sais pas pourquoi, je perds la tête. En province de Liège. Ce sont les événements qui soient. Voilà. L'orage qui a provoqué des dégâts dans plusieurs communes de la province de Liège, à la Calamine, notamment aussi à Dizon. Dans le Hainaut, la découlée de boue et des inondations à Mons. Le toit d'un garage s'est effondré à Nalines sous le poids de l'eau. L'eau qui a sans doute causé la mort d'un automobiliste sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule à cause d'un aquaplanage. En province de Namur, de gros grêlons se sont abattus sur plusieurs villages de la commune de Hamoa. Des véhicules et des toitures ont été endommagés. On a même observé des coulées de boue et des inondations par endroits. Cette habitante de Natois n'a rien pu faire pour empêcher l'eau du ruisseau en crue de rentrer chez elle. Le temps de voir que le niveau du ruisseau montait, j'étais noyée, ma voiture aussi, qui va toujours Dieu merci. La maison est inondée, et le matériel électrique aussi, voilà. J'ai rien pu faire, ça va très très vite. Et puis même, je ne pouvais rien faire. J'attends mon assureur qui n'a pas encore osé se risquer ici. À mon avis, il n'a pas les bottes suffisantes. Ah si, si, si, le voilà. Voilà mon assureur. Je disais du mal de lui, je retire ce que j'ai dit. Le voilà. Je suis courtier de Madame Buffet, donc je viens voir un peu les dégâts qu'elle a. Vu qu'apparemment toute l'électricité a lâché prise, dû à l'eau qu'elle a eue. Donc on va voir un peu l'étendue des dégâts et faire le nécessaire pour le nettoyage et afin que madame puisse rester ou si elle ne désire pas rester, qu'elle puisse être logée autre part. Vous avez beaucoup de clients qui sont dans cette situation ? Actuellement, non. J'en ai que deux pour l'instant. Donc, pour moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai d'autres confrères qui sont beaucoup plus mal lotis, qui ont beaucoup plus de déclarations. Un reportage d'Hugues Van Pella-Natois en province de Namur. Vous l'aurez compris, une chose à faire si vous avez été victime des orages, contactez votre assureur. Les travaux de déblaiement se poursuivent après l'accident ferroviaire de Saint-Georges-sur-Meuse. La première voiture du train passager la plus endommagée a été mise sur le côté tôt ce matin à l'aide d'une grue. Les enquêteurs veulent récupérer les boîtes noires qui pourraient permettre d'expliquer la catastrophe qui a fait 3 morts et 9 blessés dimanche soir. Le monde judiciaire va une nouvelle fois faire part de ses craintes pour l'avenir aujourd'hui. Des rassemblements auront lieu à 8h45 dans les palais de justice belges. Une action qui durera environ une demi-heure pour ne pas trop perturber le déroulement des audiences. Il ne s'agit donc pas d'une grève. La justice manque cruellement de moyens. Tous les magistrats, avocats et greffiers vous le diront. Pascale Montero-Barreto, juge depuis 2 ans au tribunal de la famille à Bruxelles. Elle est aussi membre de l'association syndicale des magistrats. Elle explique l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, on est sur la corde. La corde, elle est plus que raide, elle est prête à craquer. Et on annonce, alors qu'on est déjà presque comme un cadavre à la renverse, 20% d'économie, tant sur le personnel, et 22% d'économie sur l'infrastructure informatique. On sait les économies ont lieu un petit peu partout dans le pays, hein, et à tous les niveaux. Est-ce que la justice ne doit pas également participer à ces économies d'une manière ou d'une autre ? Alors, bien sûr, la justice doit participer aux économies, mais il faut le faire, je dirais, avec ordre. Il faut investir, comme un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, lorsque son outil est obsolète, comme nous, notre matériel informatique, il va investir dans un nouvel outil. C'est ce que nous demandons. En fait, nous sommes demandeurs d'une justice 2.0, d'une modernisation concrète. Mais pour moderniser, il faut qu'il y ait de véritables investissements. Or, on a un outil obsolète et on va nous donner encore moins que ce que l'on a. Rationaliser les coûts, c'est une évidence, mais il faut d'abord investir avant de rationaliser. Et je parle évidemment de l'aspect matériel informatique et des structures. Évidemment, nous pourrons travailler de manière plus efficace. C'est la volonté des magistrats. La juge Pascale Montero-Barreto, interrogée par Miguel Allot. La grève aujourd'hui dans les écoles de Mons qui font partie du réseau officiel. 150 écoles primaires, secondaires et supérieures sont concernées. Les profs protestent contre les mesures du gouvernement fédéral. Mais attention, les examens sont maintenus en 6e secondaire ainsi que les jurys externes. Dans les techs, des huissiers de justice sont intervenus ce matin pour faire lever les piquets de grève à Charleroi. Mais il y a encore des perturbations dans le trafic. Seul un bus sur 10 roule pour le moment. Les chauffeurs de Charleroi se réuniront en assemblée générale à 9h pour décider s'ils poursuivent ou non leur grève. Bleues ou vertes, elles ressemblent à des bonbons, mais elles sont dangereuses. Qui ? Eh bien, ce sont les capsules de lessive. Oui, alors gardez-les bien hors de portée des enfants. C'est le conseil du centre anti-poison. Selon son rapport annuel l'an dernier, près de 8 empoisonnements à ces capsules sur 10 concernaient des enfants. Évidemment, Yasmina Favaro, ces pastilles de couleur attirent les tout-petits. Hein. Oui, surtout les enfants âgés de 1 à 4 ans. C'est l'âge de l'exploration. On chipote un peu partout et quand on voit ces espèces de bonbons colorés, on les attrape, pire, on les goûte. Mais attention, danger, attention aux yeux, le liquide de ces capsules de lessive peut causer des lésions irréversibles à la cornée, attention aux poumons, attention au ventre, car si vous avalez ce liquide, il peut provoquer des problèmes respiratoires et digestifs. Le centre met aussi en garde contre les médicaments, les produits d'entretien en général, les cosmétiques et les plantes et champignons. Les causes d'empoisonnement des 55 000 appels reçus l'an dernier par le centre, un chiffre en hausse par rapport à 2014, et attention, il n'y a pas que les enfants qui sont victimes, il y a aussi les adultes et les animaux. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être intoxiqué ? Eh bien, éviter de laisser les produits d'entretien et les médicaments à portée tous, hein, placez-les plutôt en hauteur, dans une armoire bien fermée. Si vous n'avez pas d'espace de rangement en hauteur, alors pensez à sécuriser l'ouverture des armoires. Gardez bien aussi les emballages d'origine, ça évite de confondre. Et ils sont pensés pour ça, ils sont difficiles à ouvrir avec leur bouchon ou couvercle de sécurité. Et enfin, quand vous manipulez des produits mordants ou dangereux, soyez prudents, protégez-vous. Voilà, et en cas de questions ou de soucis, vous pouvez appeler le centre anti-poison. Le numéro de téléphone, c'est le 070 245 245, 070 245 245. Aux États-Unis maintenant, c'est fait. Hillary Clinton est la candidate du Parti démocrate pour l'élection présidentielle. Et oui, puisque Hillary Clinton a désormais le nombre de délégués nécessaires, mais elle ne crie pas victoire pour autant. Hillary Clinton, elle veut que ses partisans restent mobilisés pour les dernières élections primaires qui doivent avoir lieu encore, et notamment en Californie. I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic... Selon les nouvelles, nous sommes proches d'un moment historique sans précédent, mais nous avons encore du travail, n'est-ce pas? Nous avons 6 élections demain et nous allons nous battre pour chaque vote, particulièrement ici, en Californie. Voilà Hillary Clinton qui veut remporter la Californie pour ne pas laisser cet état symbolique à son rival Bernie Sanders, même si celui-ci est donc mathématiquement éliminé. 8h10, c'est le 8-9 Sport et les Diables Rouges qui se rapprochent de l'Euro. Ouais, et au propre comme au figuré, hein, puisque c'est aujourd'hui qu'ils vont rejoindre leur camp de base à Bordeaux. Le Trident décollera en fin d'après-midi, Françoise Aleski. Oui, le Trident, c'est le nom de l'avion spécialement affrété pour les Diables Rouges. Ils en ont eux-mêmes dessiné le design et il décollera cet avion à 16h50. Mais rien ne sert de vous rendre à Zaventem hein, pour souhaiter bonne chance ou même bon voyage aux joueurs. La police fédérale prévient et insiste, il sera impossible de voir les joueurs. Elle vous conseille donc d'économiser un peu d'essence. Les joueurs, eux, ont fait le plein d'énergie positive. Hier, ils ont pu profiter d'un dernier jour de repos, l'occasion de voir la famille, de boucler sa valise ou encore de passer chez le coiffeur. À partir de maintenant, nos Diables vont vivre en vase clos, loin de toute sollicitation. Un dernier entraînement public demain, avant le huis clos et la concentration, pour être prêt lundi prochain. Le premier match de cet Euro pour les Belges, ce sera face à l'Italie. L'Italie qui s'est imposée 2-0 en amical hier contre la Finlande. Les Diables qui arrivent donc à Bordeaux aujourd'hui, c'est dans l'hôtel du Golf que l'équipe belge va établir son camp de base, un hôtel 4 étoiles qui dispose de 79 chambres et suites et qui sera entièrement réservé pour les Diables Rouges et leur encadrement. Les vacanciers et les supporters n'y auront pas accès. Henri Martinet, le directeur général de l'établissement. L'entraîneur, l'équipe dirigeante, souhaite avoir le calme et la sérénité dans cet hôtel autour de l'équipe. Et cela se comprend quand on connaît l'enjeu, quand on connaît l'ambition de votre équipe, c'est d'aller très loin. Et ça passe effectivement par le respect de la tranquillité des joueurs. Financièrement, la venue des Diables Rouges, c'est une bonne opération pour vous ? C'est un plus. On aura l'opportunité de communiquer sur notre savoir-faire, sur la capacité d'accueil. Financièrement, ça l'est aussi. Mais il faut dire que l'Euro 2016 se situe à une période où l'hôtel est déjà très très très très occupé. On est déjà en haute saison. Le directeur de l'hôtel des Diables Rouges à Bordeaux, rencontré par Sébastien Joris. Dans le reste de l'actualité sportive, du cyclisme et la victoire du Français Nasser Bouhanni hier dans la première étape du Dauphiné libéré. Le Français a avancé le Belge Jens Debucher au terme d'un sprint houleux. L'Espagnol Alberto Contador reste leader. Et puis cette perf en tennis, la Belge Elise Mertens, 20 ans, a réussi le plus bel exploit de sa jeune carrière hier au premier tour du tournoi sur gazon de Rosemont. Elle a battu la Canadienne Eugénie Bouchard par 6-2 et 6-0. Bouchard qui avait atteint la finale de Wimbledon l'an passé. C'est pas mal donc. Hein. Ouais, je m'étonne de vous quand même, Christophe. L'info essentielle de ce matin n'y est pas. Fellaini qui est blond. Vous avez vu cette photo ? Je comptais sur vous pour en parler, évidemment. Mais enfin, vous avez vu les gars, la photo de Fellaini blond. Non, pas la vu. Ah, vous avez vu, Julie, Fellaini blond ? J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Venez dans mon dos. Venez dans mon dos. Je vous ai mis la photo. Je vais vous la mettre sur la page Facebook. Venez dans mon dos. Il est pas mal. On dirait qu'il est parti 6 mois au soleil. Oui, c'est très bizarre. Va bien. Moi, je trouve, regardez. Faut s'habituer. Oh, c'est bizarre, non ? Bon, je devrais essayer aussi les crolls. Trouvez comment, Christophe ? Fellaini en blond ? Elle est pas mal en blonde. Hein. Ah ouais, mais vous oserez pas lui dire en face. Bah, tiens, évidemment que si. Et elle va marquer des buts, la Fellaini. Et elle va nous faire gagner la finale, la Fellaini. Donc n'allez pas dire au revoir au diable. Hein. Quel cliché, oh là là. C'est pas parce qu'on a des longs cheveux qu'on est une fille. Ah non, non, ça, on ne peut pas aller à l'aéroport dire au revoir. Non, ouais. On peut pas, là. Ouais. On peut pas. Toutes les conversations se mélangent. Oui. Ça me donne mal de tête. Ah, 8h40. Voici un nouveau 8-9. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. RTBF Mobile Info, Yadrenka, apparemment un problème sur le quai Saint-Léonard ce matin. Alors, sur le quai Saint-Léonard, il y a des feux qui sont ton noir, des feux de circulation à la jonction de la place des Déportés. C'est également le cas à hauteur de la rue Marengo, là où les bus s'insèrent sur le quai. Redoublé de prudence, mais surtout, je vous signale un bus en panne. Il est dans la traverse qui relie le rond-point Déporté vers le quai Saint-Léonard et le quai de Maastricht. Et là, ça va créer beaucoup d'embarras de circulation puisque la rue Saint-Léonard est fermée et il ne vous reste plus que le pont Maguin à emprunter. Donc, attention là, problème. D'accord. Attention également dans l'entrée du zoning des Haussards. On a vu ces palettes qui brûlent là-bas. Ce sont les agents pénitentiaires qui manifestent. Barrage filtrant pour entrer dans le zoning. Et puis, forte pluie, si vous empruntez le 411 vers le Grand-Duché, la circulation est ralentie avant le poste frontière. Faites-le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Bonjour, c'est Thomas Schumalen. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Dès le 10 juin sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec l'équipe de Complètement Foot. Tu sens bon, c'est quoi? De Rohan. De Rohan? Eh oui. Celui qui nous livre nos fournitures de bureau? Eh oui. En juin, commandez vos fournitures de bureau chez De Rohan et recevez des bons cadeaux ici Paris XL. Et vous pouvez même les cumuler. De Rohan, grâce à l'œil, fournitures de bureau et 100% liégeois. Infos et conditions sur derohan.be. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Comment fonctionne la justice belge? Qui s'occupe de quoi et à quel prix? La magistrature attire-t-elle encore les jeunes? Quelles sont les conditions de détention en prison? Témoignages, reportages, portraits et bien plus encore. Retrouvez toutes les réponses à ces questions du 4 au 9 juin, exclusivement dans La Libre. La Libre, faisons vivre l'info. Capteur de stationnement? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Système de navigation avec écran tactile? Oui. Quoi d'autre? Le prix? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Aujourd'hui, un sujet passionnant. Mes fesses. J'en suis si fière que je vais même vous les montrer. Regardez, plus un gramme de cellulite. Ça faisait longtemps que je rêvais de montrer mes fesses à la radio. Réductin cellulite. Drainant, antioxydant, agit en profondeur et durablement sur la cellulite. Réductin cellulite, en vente en pharmacie. Info sur réductin.be. Ah, ça fait plaisir quand le 8-9 est pratique. Enfin, un ouvrage pratique qui va aider les quinquagénaires de ce pays, puisque Sophie Favier est notre invitée tout à l'heure, et elle vient de signer « Jamais aussi bien qu'à 50 ans ». Tous ces conseils pour être magnifique, désirable et belle à l'âge de 50 ans. Vous serez ravis d'apprendre autour de la table qu'elle a passé toute sa vie professionnelle dans un milieu où le harcèlement sexuel et moral est monnaie courante. Ah bah comme nous. Hein. Eh ben voilà. La télévision, quoi. Voilà, pour échanger vos conseils. Vous serez on ne faisait pas vraiment de messe basse, hein, en fait. Ah, parce que tout à l'heure, ils étaient en train de faire des messes basses qui venaient qui me harcelait. Mais entre eux, c'est vous qui marchez pendant la pub. Mais des vraies messes basses, on n'a rien entendu. Apparemment, elle disait du mal de quelqu'un, Jérôme. De moi, à mon avis, parce que j'étais juste à côté. Ah, sans doute, sans doute. Et vous serez ravis, ça va. Christophe, d'apprendre qu'à 50 ans, il faut absolument que vous vous fassiez blanchir les dents. Donc, ça vaut pour les garçons aussi, les conseils de Sophie Favier. Ah, ben vous appliquerez, oui, vous appliquerez, d'accord. Ça vaut. Massage californien ou massage tantrique? Ouf, oh. Tantrique. Hein. Ah, vous apprendrez la différence dans le livre de Sophie Favier. C'est parce qu'il y a trique dedans, je suis sûr. Merci beaucoup, Sarah, merci. Elle me connaît tellement. Mais enfin, alors je suis le seul à vous parler de littérature. Les autres, c'est Gaudriol et allons-y, sexualité. Bon, alors, dans l'actualité musicale tout à l'heure. Alors, on a Marc Lavoine qui arrive avec un conte musical. Ça, c'est exceptionnel et vous verrez tout à l'heure, c'est très très bien fait. Et Pascal Obispo avec le troisième single de son album, Billet de femme. Billet de femme. Le billet de femme. Le billet. C'est un billet doux. Simplicité, j'ai dit compagnie. C'est exceptionnel. Veuillez me passer la parole dès à présent, désormais maintenant. Mais je vous en prie, cher confrère. Mais je vous en prie. Permettez-moi le temps d'un rapide coup d'œil sur mon écran pour vous signaler la direction que nous allons prendre. À 8h19, Cactus. Le sud du pays est donc touché par d'importantes inondations. Jérôme, on fait le point avec vous. Oui, bonjour. Une drache à le Marlen, à le bar de Torrentiel. Avant avant toute chose et afin de respecter notre mission de service public, informons la population par divers communiqués de l'Institut Royal Météorologique, dont la clairvoyance et le bon sens ont encore une fois prévalu. L'IRM tient à nous préciser, et nous le remercions, que la première cause d'inondation en Belgique, c'est la pluie. Merci, merci beaucoup, merci, ça fait merci. Nous informons. À Charleroi, drache nationale, le grelons et torrents de boue, qui ne sont pas sans rappeler certaines enquêtes de Sud-Presse, mettons fin à la polémique, cette météo exécrable, ces pluies diluviennes sur Charleroi ne sauraient être associées aux retombées vocales du concert de Lara Fabian au Palais des Beaux-Arts, puisqu'elle ne s'y produit que ce soir. C'est vrai? Certes, des répétitions ont eu lieu hier, donc a fortiori, rien ne permet d'affirmer non plus que ça va aller mieux tout à l'heure. À Durbuy, plusieurs commerces ont été inondés, l'eau s'est engouffrée en cascade dans les ruelles de la ville. Si certains habitants Marie ont été contraints d'écoper leur cave et leur salon, d'autres, hilares et ivres de rire, comptaient les caravanes de Hollandais qui passaient devant chez eux sans qu'elles soient tirées par des voitures. Il y a des petits bonheurs simples que la nature et la nature seule est capable de nous donner. La Fédération Wallonie-Bruxelles, pour galvaniser un peu les sinistrés, a décidé de dépêcher à Durbuy un homme politique charismatique, jovial et pétri d'entrain, le plus à même de rebooster le moral de la population désemparée, Rudy Demotte. C'est ce qu'on appelle une double peine. D'ailleurs, à la fin de son discours, hier soir, pas de miracle, les sinistrés ont préféré se rejeter dans l'Ourthe. Petite parenthèse, j'avais posté cette information ludique et proactive sur ma page Facebook hier soir et les gens sont médiocres. Plusieurs commentaires peu avenants sur Rudy Demotte y ont fleuri. Michel, par exemple, m'informant que cela n'était pas possible. Il y avait 1,30 m d'eau. Rudy Demotte ne pouvant donc avoir pied, c'est un peu bas. C'est même très très bas, 1,30 m, bah oui, Michel. Ouais. Pierre, qui tente de faire de l'humour en stipulant que Goblet et sa bande ont été appelés en urgence pour organiser des barrages filtrants. Il y a rire et rire. Je ne suce pas de ce sein-là, sachez-le. Et pourquoi pas affirmer que la CGSP va distribuer des gobelets aux malheureux. Oh, ma page Facebook n'est pas le déversement soir de vos états d'âme, mais continuez, hein, ça me fait quand même 2 vannes en moins à trouver pour le lendemain matin et 40 secondes de comblé. Oui, c'est de l'escroquerie, monsieur Maréchal. Et vous ne serez pas payé, je tiens à vous le dire. Mais vous non plus, parce que vous, dans 40 minutes, c'est 2 heures d'émission qui seront comblées par les blagues de votre auditorat. Donc, le salopard. Et si je ne m'abuse, grand bien me fasse, vous profitez à nouveau des détresses des populations locales ce matin en posant une question dont la rigueur journalistique pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder la vase de la décence de la laisse, bien sûr. Je cite une de vos vestales téléphonique. En ces périodes d'inondation, vend-on plus de frites avec maillot? Vraiment, monsieur Maréchal? Alors là, c'est d'un niveau. L'école communale de Welkenraad sera fermée ce mardi. Les classes sont sous eau, comme en attestent les caméras de surveillance de l'établissement. Ce sont également elles qui ont permis d'interpeller le professeur et délégué FGTB qui avait ouvert et laissé couler tous les robinets de l'école hier soir et cette nuit. Parce que Wallon, prof et délégué syndical, c'est quelqu'un à risque, évidemment. Urgence et sécurité, Hervé Jamard, le gouverneur de la province de Liège, a donné des consignes rigoureuses, mais pratiques aux habitants. Donc je n'invente rien. D'abord, donc je lis, en les invitant à signaler les inondations uniquement au numéro d'appel d'urgence 112. Donc pour tous ceux qui prendraient l'initiative d'appeler l'horloge parlante ou Pizza Hut, par exemple. Donc je continue de placer, donc je n'invente rien, de placer une planche étanche dans l'embrasure de la porte afin de stopper, c'est astucieux. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion de sortir 35 castors de son armoire capable de diriger un barrage en moins d'une demi-heure. Attention, étanche la planche, ne mettez pas votre planche à repasser ou votre planche à voile. Réfléchissez les habitants. Et pour conclure, n'hésitez pas également à aller surfer sur le site inforisque.be recensant les bonnes habitudes à adopter en cas d'inondation. Donc il y a 150 pages. Donc je résume brièvement l'esprit de inforisque.be. Avant les inondations, prévoyez. Pendant, priez. Après, nettoyez. Voilà. C'est un conseil pratique, j'aime qu'on le répète. Donc pouvez-vous nous remettre avant cette maxime? Avant prévoyez, c'est ce qu'ils disent. Pendant prier, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Après nettoyer. Voilà. C'est aussi limpide. Ça peut être que pleurer aussi. Ouais. Bah, on n'espère pas évidemment en penser avec ceux et celles qui sont touchés ce matin. On aura largement l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans C'est vous qui le dites. Vous nous ferez le topo et le bilan de ce qui s'est passé chez vous. En attendant, le cactus et le clin d'œil, à revoir sur la page Facebook du 8-9. C'est à votre disposition évidemment 24 heures sur 24. 24. Si vous voulez une maxime pratique, n'écoutez que la fin, puisqu'on vous laissera ça dans le montage final. Le reste n'a strictement aucun intérêt d'abord. On mettra le début aussi. Bon, vous voulez jouer au Kikadi tout à l'heure, venir dire bonjour et faire une baise à part un marraine, c'est au 3063. Vous indiquez je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes, c'est un Kikadi tout à l'heure. Et ça commence par je veux jouer, il y aura un cadeau à la clé. N'oubliez pas que hier, un heureux chanceux et gagnant a remporté le Thermovivacité. Donc c'est un beau cadeau aujourd'hui. Hier, c'était déjà un beau cadeau. Très bien. Peut-être aujourd'hui, gagnerez-vous aujourd'hui. Le porte-thermo. C'est assez complémentaire. Comment voulez-vous boire un café chaud si vous n'avez pas le thermo? Soit 8h25, voici le Zap Télé avec télépro.be et un homme tout nu, Sarah, à la télé. Alors, il commence à faire chaud. Peut-être est-ce ça? On les voit de plus en plus à la télévision. Hier, pour une émission débat sur TVI, aux alentours de midi, avec Charlotte Beaute, pour un débat sur le naturisme. Naturiste dans les lieux publics, pour ou contre? Alors, le pour, il y avait qui? Il y avait Jérôme tout nu qui est venu. Tout nu? Tout nu. Il est vraiment venu tout nu. Son nom. C'est-à-dire c'est loin d'être une première, parce qu'avant eux, il y avait le Dan Late Show avec Dan Gagnon le soir sur la 2, qui avait aussi invité un intervenant de Cyclo Nudista et qui était venu tout nu en plateau, avec chaque fois un moyen de cacher son attribut, vous voyez, de façon délicate. C'était encore plus audacieux dans le Dan Late Show parce qu'il est dans un fauteuil, jambes écartées, donc il devait croiser les jambes pour qu'on ne voit pas la chose. Oui, mais il y avait sa petite feuille ou sa petite fiche. Ah oui, oui, c'est donc, ça. Voilà, on n'a pas vraiment vu. Et donc hier, ce monsieur tout nu sur le plateau, il était vraiment tout nu, droit devant son intervenant. Est-ce que ça vous choquerait ou pas de parler à un monsieur tout nu? C'est-à-dire, on voit rien, parce qu'il y a la table qui cache tout. Ah ouais, c'est on voit clair. Ses fesses. Bah sur TV, j'ai regardé les poils du monsieur. Il avait un peu de poils dans le dos, je trouve. Ça vous choque un homme tout nu, Julie? Bah non, pas du tout. Je sais, pourquoi vous posez la question? Pourquoi ça me choquerait un homme tout nu? On est né comme ça, Benjamin. Attendez, j'en cherche un qui abhorra les pudeurs autour de la table. Oui, je suis là, oui. Non, lui, non. Oui, lui, comment non? Ah, monsieur Grandjean. À mon avis, Sophie Favier va lui conseiller une petite épilation. Mais... Non, mais c'est pas mal, un homme avec des poils. Ouais, et vous pensez qu'on devrait le faire, être un peu plus torse nu? Être un peu plus nu? Pourquoi pas? Christophe, si vous... Ah non, vous n'avez pas de chemise. Vous n'avez pas de chemise. Jérôme, vous ouvrez un bouton, j'ouvre un bouton. Écoutez, j'ai déjà ouvert un bouton, mais où range-t-il son vélo? Avez-vous une idée? Le vélo est absorbé, je répète. C'est toujours mieux de cacher un petit peu que de tout dévoiler, je trouve. Oui, mais c'est comme à la plage. Molière ne disait-il pas, Toinette, cacher ce sein que... Je ne saurais voir. Naturisme tout nu et Molière, 8-9. Donc, dans un instant, l'info de la région. Garage Davéfis, concessionnaire Fiat, Alfa Romeo et distributeur officiel Citroën. Mais aussi carrosserie toute marque et occasion garantie. Service et qualité sont nos priorités. Garage Davéfis à Wanzui, E40, sortie 8. Visitez garagedav.be et sur Facebook. Portes ouvertes ces 10, 11 et 12 juin. Découvrez la nouvelle Alfa Romeo Giulia et la nouvelle Fiat Tipo 5 portes. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, La 2, Proximus et Peugeot. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3 plus 1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés, horaires en magasin. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Oxfam Magasin du Monde est en train de tester gratuitement pour l'instant? Les Magasins du Monde Oxfam, ce sont 70 magasins, 4000 bénévoles, un large choix de produits 100% équitables. Alimentation bio, bijoux, accessoires de mode, déco, produits de soins, vendus à des prix justes pour les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, aussi disponible sur notre webshop. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elle glisse sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 € par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes qu'elles soient se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé hey, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Soir Mag. Soir Mag présente les 185 ans de la monarchie belge. Collectionnez une série de 4 livres sur Baudouin, Fabiola, Paola et Laurent. Des personnages contemporains de notre dynastie. Dès ce mercredi, le premier volume Baudouin, au prix de 5,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. Et d'abord, cette information de dernière minute, une explosion dans le centre d'Istanbul, en Turquie. Elle s'est produite près d'un arrêt d'autobus. L'explosion visait visiblement un véhicule de police. Il y aurait plusieurs blessés, selon les premières informations. Chez nous, les orages ont encore fait de gros dégâts. 2 personnes ont perdu la vie, un automobiliste sur la Nationale 5 Couvin-Charleroi et une promeneuse à Welkenrade. Aux États-Unis, Hillary Clinton a désormais le nombre de délégués nécessaires pour être la candidate du Parti démocrate pour l'élection présidentielle. Et puis en sport, les Diables Rouges s'envolent en fin d'après-midi pour l'Euro en France. Ils s'installeront dans un hôtel de Bordeaux. C'est là qu'ils installeront leur camp de base. C'est un 4 étoiles. Alors c'est un fameux camp. Hein. Pouvez m'emmener avec dans le camp, mon ami. Haut à 29 degrés. On n'a pas ça chez nous. On démarre la journée avec un temps calme et sec. Et puis c'est le même topo qu'hier à l'arrivée des orages et des averses orageuses tout à l'heure qui viennent de l'Allemagne. Cette fois, 28 degrés. Le climat reste assez lourd. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les magistrats réclament des moyens. Ils manifestent ce matin dans les principaux palais de justice de Belgique, dont celui de Liège, où nous rejoignons Martial Giot. Martial, l'action va commencer dans un petit quart d'heure. Est-ce qu'elle aura des conséquences sur le déroulement des audiences ? Eh bien, les audiences se tiendront, mais elles débuteront en retard forcément, puisque certaines habituellement débutent à 8h45, d'autres à 9h, et que l'action, vous le dire, débutera dans un quart d'heure. Elle devrait durer à peu près une demi-heure, et donc forcément, les magistrats qui manifesteront ne seront pas aux audiences, et donc celles-ci débuteront avec un peu de retard. Et ce que les magistrats dénoncent, Martial, ce sont les mesures d'économie, alors que le secteur de la justice vit déjà péniblement avec des petits moyens. Effectivement, des moyens que l'on veut donc encore réduire du côté du gouvernement. Les magistrats et le de justice en général ne sont pas d'accord. Ces mesures d'économie, ça signifierait tout simplement de nouvelles réductions dans les effectifs, tant du côté des magistrats que du côté des personnels de justice. Une réduction également des moyens. Alors que notamment du côté de la justice, on se plaint déjà d'un manque de moyens, par exemple de moyens informatiques. Et donc tout cela, eh bien forcément, ça aurait des conséquences, disent les magistrats, sur le fonctionnement général de la justice et au final, bien sûr, pour les justiciables. Martial Giot, en direct du palais de justice de Liège, où commence une action de protestation des magistrats. Proposer une médecine de proximité le week-end et les jours fériés, même à la campagne, c'est l'objectif du nouveau poste de garde qui vient d'ouvrir à Brève, près de Hannu. Marquis de Seym, il s'agit en réalité d'un déménagement, d'un repositionnement stratégique. Oui, car ce poste de santé médicale en préfabriqué était installé auparavant à Vinalmont, sur la commune de Wans. Il a donc été déplacé d'une dizaine de kilomètres et desservira désormais un large territoire qui va de Wans à Linsan en passant par Hannu, une zone majoritairement rurale mais où vivent tout de même 58 000 personnes, autant de patients potentiels évidemment. François Gillis est le médecin responsable de ce nouveau poste de garde. L'intérêt c'est d'abord qu'on dispose d'un plus grand nombre de médecins qui participent à la garde et donc ça diminue la récurrence des gardes d'une part et d'autre part. Ça permet d'avoir un soulagement pour les médecins qui n'étaient pas assez nombreux sur leur zone de garde de SBI, donc du côté de Hannu et Linsan. Deuxièmement, ben, pour les patients, être situé au centre de la zone de garde, ça limite quand même aussi les déplacements. Nous avons vraiment une accessibilité qui est maximale. Donc cette solution, vous l'avez trouvée, généralement, la campagne, c'est bien souvent aussi un désert médical. Absolument. sommes quand même relativement éloignés des hôpitaux, donc il fallait trouver une zone à plus ou moins centrale qui permette, je dirais, aux patients de ne pas devoir nécessairement aller à l'hôpital pour se faire soigner. Oui, en ce premier week-end de garde, eh bien, le poste de santé médicale de Brève n'a pas des amplis, ce qui prouve évidemment toute son utilité. Direction le parc industriel des Haussards, où la division de Pratt et Whitney va devenir norvégienne. Ses actionnaires américains ont annoncé la signature d'un préaccord. Cette transaction intervient, Michel Gretry, avec en arrière-plan les décisions que le gouvernement belge devra prendre pour le remplacement de ses avions F-16. L'accord vient d'être signé, il doit encore recevoir l'aval de diverses autorités gouvernementales, notamment américaines. Avant la fin de l'année, la filiale herstalienne de Pratt et Whitney va devenir norvégienne. Elle emploie une centaine de travailleurs, elle s'occupe de l'entretien des moteurs des bombardiers F-16 notamment. Mais c'est un modèle en fin de carrière, d'où la volonté de la maison mère annoncée à la mi-avril de vendre cette implantation. Les négociations n'ont pas traîné, il faut dire que l'usine est rentable. Le nouveau propriétaire, c'est la société scandinave AIM, une société d'État dont la privatisation a été annoncée à l'automne dernier. Elle compte un demi-millier de collaborateurs. Elle s'occupe précisément de maintenance aéronautique dans le secteur militaire, principalement. Elle se présente comme un partenaire stratégique du ministère norvégien de la Défense, dont l'armée de l'air vient précisément de recevoir ses deux premiers exemplaires du Lockheed F-35, que les forces aériennes belges envisagent également d'acheter en remplacement de leur vieux F-16. Si c'est le cas, des retombées économiques liégeoises sont à prévoir. Autant dire que le groupe AIM fait montre d'un grand sens de l'anticipation. Les repreneurs se sont engagés à ne rien modifier aux conditions de travail, aux salaires et à garder l'ensemble du personnel. Les orages ont fait une victime à Welkenrade, une dame de 77 ans qui faisait une balade en compagnie d'autres promeneurs. Tous ont été emportés par les eaux. Le groupe a pu s'en sortir, mais pas Eliane, dont le corps a donc été retrouvé dans le courant de la soirée, dans un bassin d'orage. Les violentes averses ont également provoqué des dégâts dans plusieurs autres communes, comme la Calamine, Dolin, Limbourg, Malmedy, ainsi qu'à Dizon, où le centre de la localité a été envahi par un torrent d'eau, disons, où une permanence s'ouvre également aujourd'hui pour aider la population à constituer un dossier d'assurance. Et puis à Saint-Georges-sur-Meuse, un registre de condoléances sera ouvert en hommage aux victimes de l'accident de train qui a fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés dimanche soir. Toujours aucune certitude sur les causes de cette collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs. L'enlèvement des wagons se poursuit aujourd'hui. Et à 9h, c'est vous qui le dites, 3 débats sur la table. D'abord la date, un 7 juin, les profs affiliés CGSP des écoles officielles de la zone Mons-Borinage font grève. Un 7 juin, des profs en grève, est-ce que vous respectez ce choix? Ensuite, 2 visages dans le drame du train. D'abord ce jeune homme de 26 ans qui a perdu l'usage de ses jambes et le père du conducteur du train qui va porter plainte. Que faut-il dire à ces 2 hommes au lendemain d'eux? Et puis les inondations qui ont tué 4 fois dans ce pays, dont Gabriel, 83 ans, mort noyé dans sa cave à Momigny, ou encore cette randonneuse de 77 ans, morte à Welkenrade. Est-ce que l'eau vous a atteint? Zoé Boss, le standard est ouvert. Et il n'y a jamais d'absent, c'est vous qui le dites. Le numéro reste le même, le 070-233-466. Pour les tactiles, un numéro, le 30-63-57, par message. L'info fait le débat et vous la retrouverez sur la page de notre émission. On va sur le quai Saint-Léonard, Yadrinka, le bus qui était annoncé en panne là-bas est dégagé. Il est dégagé, c'est donc une bonne nouvelle. Rappelez-vous, il était dans la traverse qui relie la place des Déportés vers le quai Saint-Léonard et vers le quai de Maastricht. Donc forcément, tout va bien, ça se régularise de ce côté-là. Bien sûr, on est mardi matin, on est vers la fin de l'heure de pointe. Mais bon, il y a quand même beaucoup de trafic sur Liège. C'est normal, rond-point habituel de Buranville, la descente Saint-Marie, les ponts Albert Ier, pont Kennedy également. Mais bon, ça reste quand même assez fluide. Hein, et c'est pareil du côté du cadran aussi, mais bon, ça roule et ça devrait aller mieux dans les minutes qui arrivent. Très bien, Yadrinka, 18 minutes hein, pour franchir le viaduc de Churat ce matin. Voilà pour un des indicateurs du trafic. Il y a plein de choses également en périphérie, mais on n'a pas le temps de tout détailler. On le fera avec Mobile Info dans la suite de la matinée. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard Désert est dans le tip-top dès 19h. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo! Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all-in-one, voilà! Non, attendez! Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all-in-one! J'ai jamais vu ça, jamais! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur volkswagen.be. De 8 à 9, le 8-9. Et donc, puisque nous sommes mardi, l'actualité musicale tout à l'heure. Julie, qui? Oui, alors avec Marc Lavoine qui sort un conte musical accompagné de Cœur de Pirate et d'Arthur Rache. Et on parle. Comédie musicale? Non, un conte musical. Ah. Je me suis trompée en le disant? Non, parce qu'ils ont tous un terme. J'ai l'impression d'avoir dit conte musical. Un spectacle musical, parce qu'ils chipotent en disant c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Un conte musical sur CD. À l'ancienne. Sur CD. Oui. Bon sang. Et on a Lavoine qu'on a vu hier dans la liste de mes envies, sur la une télé. Ah bah voilà. Ah magnifique film. Il est partout. Il est partout. C'est du harcèlement. Vous savez quoi, j'ai même plus envie d'en entendre parler. Et le deuxième, c'est qui? Pascal Obispo. Ah, lui, on l'a moins vu. On l'a moins vu. Bon, c'est tout à l'heure dans l'actualité musicale. Mesdames et messieurs, avez-vous 50 ans? Le livre s'appelle « Jamais aussi bien qu'à 50 ans ». Il est signé Sophie Favier, qui est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez pile 50 ou vous êtes un peu au-dessus? Non, je suis plus loin encore, 52 et demi. Ah. Oh bon sang, une femme d'expérience. Wow. Alors, on va parler dans une seconde du tournant. Que sont vos 50 ans? Je voudrais très vite aller dans le cœur de ce bouquin, qui est une série de conseils pratiques pour bien... S'il vous plaît. Page 26. Que faire quand mon mec est allé voir ailleurs? Sarah, vous feriez quoi si votre mec est allé voir ailleurs? Je pleure. Ok, eh ben vous allez chez le coiffeur. Ça, c'est de la technique. C'est mis. Que faire quand son mec est allé voir ailleurs? Ouais. Aller chez le coiffeur et partir en vacances. Ben, je trouve que c'est une bonne idée. Moi aussi. Mais oui, ouais. Si moi, ma femme va voir ailleurs, j'aurais l'air malin. Ça, j'aime autant vous le dire. Bah vous, à mon avis, elle vous a arraché la touffe. On peut dire ça. Il n'y a plus rien. Bon, alors, il y a d'autres conseils, on y revient dans une seconde. Un vrai tournant, le tournant, c'est quand votre fille Carla s'en va et qu'elle vous laisse toute seule à la maison. Quand votre fille, votre grande fille, vous plante. C'est affreux. Elle est partie à quel âge? Elle m'a dit, maman, je divorce. Ah, oh, à quel âge elle est partie? Elle est partie à tard quand même, 19 ans. Ça fait un an qu'elle a quitté le nid. C'est à... Non, mais c'est. Voilà, c'est juste pour dire que c'est une épreuve. Pour des parents qui ont une relation fusionnelle avec leurs enfants, c'est un moment où on se retrouve libre de son temps. Donc il faut bien s'occuper. Ah ouais. Et l'idée, c'est de s'occuper de soi. Mais là, le début, c'est la descente aux enfers, parce que vous entrez dans la période ménopause, et vous dites, je me suis renseignée, j'ai été me renseigner sur la ménopause. Mais vous avez été voir qui, quoi? On va voir un gynéco. On va... bah, c'est sûr qu'on ne va pas faire aller les copines, on fait un tea time, on parle hormones ce matin. C'est pas très glamour, comme sujet, mais pourquoi pas? Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu tabou, mais il y a l'andropause aussi pour les garçons, il va falloir vous y préparer parce que là vous faites des malins. Ah, bien sûr, vous avez même pas 50 ans là autour de la table. Elle me regarde avec un air, tu l'auras. Bah non, je n'aurai pas. Non. Bon, alors vous donnez effectivement une série de conseils pratiques sur comment bien vivre ça, mais il y a un mot intéressant sur votre histoire. Vous découvrez un jour un magazine coquin sous le lit de votre papa. Oui, mais ça c'est alors parce que et là tout... ça vient de prendre une tournure drôle. Oui, parce que on se dit non, là tout d'un coup on est dans la psycho, on va pleurer. Non, parce que toute la première partie, je me raconte un peu comment j'ai vécu mes 30 ans de télévision, comment on surmonte les épreuves, les railleries, la misogynie, etc., etc. Je raconte tout ça. J'ai vécu après, dans un milieu où le harcèlement sexuel et moral était monnaie courante. On vous a harcelé sexuel? Non mais bon, on en a beaucoup entendu parler, les femmes politiques s'en sont beaucoup plaintes dernièrement en France, mais oui, c'est pas un tabou, c'est vrai que c'est un milieu extrêmement misogyne. Mais chez vous, ça a l'air beaucoup plus... Il y a une parité de femmes. Non, c'est le contraire. Il y a plus de femmes. C'est l'eau de la femmes qui voilà. Nous tirent sur les culottes des garçons. Ouais, je tiens d'ailleurs à émettre une plainte. Oh. Vous n'avez pas l'air bien malheureux. Elles hein. se reconnaîtront autour de la table. Elles sont deux. Ah, je reviens quand même à votre papa après, mais à propos de boulot, traumatisme professionnel, c'est quand Christophe de Chavannes vous a lâché, alors que vous êtes de la grande époque, coucou, c'est nous, tout ça. Oui. Il vous a un peu lâché. Je vous sens amer, ce Christophe de Chavannes. Ah, je suis absolument pas amer. Non, je raconte. Vous savez, on m'en a bassiné pendant 25 5 ans, ouais. on ne me parlait que de lui. Donc j'ai quand même eu une vie avant et après. J'ai toujours dit que c'était un excellent animateur. L'histoire, elle date de 93, on est en 2016. Donc c'était quand même... Mais à l'époque, permettez-moi, c'est mon bouquin, j'avais un petit peu le droit de donner un petit peu mon avis que je n'avais pas donné à l'époque par élégance et surtout, de toute façon, je n'aurais pas fait le poids face au gros Barnum de TF1 et Christophe était un animateur phare. Donc, de toute façon, je pense qu'on n'a pas vécu la situation de la même manière. Mais quand vous retrouvez à 30 balais à aller pointer à l'NPA parce que vous n'avez plus de fric, moi, je n'avais pas mérité ça. Donc voilà, j'en parle. Il n'y a plus d'amertume, mais il y en a eu. Non, mais il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Même à l'époque. Ah non, attendez, quand vous perdez votre boulot, c'est quand même un problème. Comment vous payez votre loyer? Comment j'étais quand même une vedette à la télévision française. Donc c'était compliqué de revivre derrière. Je suis passé d'un bon salaire à rien, c'est ce que vous expliquez. Il faut le vivre, et c'est ce que j'explique dans le bouquin. On peut perdre pied, on peut être malheureux, voire même tomber en dépression si on n'est pas équilibré. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une bonne éducation et j'ai fait du sport, je me suis prise en main. Voilà. Totale franchise dans le bouquin, et vous reparlez de vos photocopies qui sont ressortis bien après, mais c'est pour ça que je reviens au point de départ. Vous trouvez un magazine coquin sous le lit de votre papa. Mais quoi comme magazine coquin? C'était un magazine qui s'appelait Union, je ne sais pas si vous avez ça du tout Moi ça ne me disait rien, Union, je l'ai lu. Ça vous dit quelque Union, chose Union, en fait, c'est un magazine en France qui est super célèbre. En fait, ce sont des témoignages de gens, mais c'était déjà de la psycho. Ouais. Et c'est des bribes de vie, et c'est très intéressant. Mais bon, évidemment, moi je n'avais vu que les photos où il y avait des pin-up, etc., etc. Et tout ça, c'était pour dire que moi, j'ai perdu mon père très jeune, et c'est vrai que d'avoir trouvé ces magazines, je faisais le ménage chez lui, ça m'avait, je m'attendais pas à ce qu'un père puisse avoir ce genre de magazine chez lui. Ça m'avait un peu écrouler le monde masculin autour de moi, et ça m'avait un peu interpellée. Et en fait, c'est pour amener au chapitre de tous ces réseaux sociaux où les jeunes femmes, je pense notamment à Laure Manaudou, ça m'avait particulièrement choquée en tant que femme qu'un petit ami puisse mettre en scène comme ça, à votre insu, une intimité d'un couple. Vengeance, voyez, et ça, j'ai trouvé ça d'une extrême violence, et les réseaux sociaux peuvent tuer les gens. Ben d'ailleurs, il y a une jeune fille qui, il y a pas si longtemps chez nous, a annoncé qu'elle allait faire une grosse bêtise, elle l'a faite. Et j'ai été très choquée que notre président de la République ne prenne pas la parole en disant, mais attendez, on ne peut pas assister à un meurtre en direct. Et les gens sur les réseaux sociaux disaient d'une grande violence, mais tu t'es pas capable de le faire. Sur l'application Périscope, etc. Cette jeune fille qui s'est suicidée en live sur l'application Périscope. Très choquée de ce truc. J'ai pas compris votre rapport à l'apparence, parce que vous dites un moment, j'étais doté d'un corps à la Betty Boop, un visage angélique, etc. On voit comment vous en êtes servi, mais tout en restant à distance des hommes. Et alors, vous dites au début du bouquin, c'est pas une méthode, mais je pars du principe que seule l'apparence compte, parce qu'on n'a pas une deuxième chance. Est-ce que ça dit de vous que vous êtes superficiel ou pas? Non, mais nous sommes dans un milieu où l'apparence est très importante, l'image. De toute façon, pour une femme, un joli sourire, c'est tout de suite quelque part un passeport. Ah oui, vous conseillez blanchiment dentaire à 50 ans, ça c'est pratique, vous y avez déjà pensé, Julie? Non, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu toxique, mais je le ferai sans doute. Ah ouais. Vous ferez, Sarah, à 50 ans? C'est important, moi je rejoins Sophie, c'est important. Blanchiment, c'est important, un sourire. C'est une vitrine, quoi. Jérôme, alors attention, Jérôme. Blanchiment d'argent, vous. si seulement. Panama Paper. Voilà, c'est ça. Chapitre 14, Jérôme. Préférez-vous le massage californien, le massage chinois, le shiatsu ou le thaï? Le shiatsu, je n'ai jamais tenté le shiatsu. Alors shiatsu, il n'a jamais fait. Avez-vous fait le thaï? Ah oui, j'ai fait. Alors c'était le 82, ça, c'est le thaï. Ok, vous avez fait du chinois? Oui, ça c'est le 94. Ok, et le californien? Le 12. Le 12. Voilà, le parce 12, que vous êtes. C'est laqué, celui-là. Toute une thérapie autour du toucher. Alors on peut pas faire l'ensemble des conseils, mais c'est une série de conseils pratiques pour être bien dans son corps. Voilà, c'est d'aller à la rencontre de grands professionnels qui m'ont donné en quelque sorte une boîte à outils que j'ai vraiment tenu à partager avec mon lectorat et parce que je suis soucieuse d'être généreuse et bonne camarade. Ouais, il y a même des adresses pour les fringues, si vous voulez vous habiller comme Sophie Favier, il y a même un... Ah non, c'est absolument pas ça que je dis dans mon bouquin. Vous donnez des adresses. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas faire comme moi, quelle horreur. Ça me fait tellement plaisir que vous le disiez. Ah non, mais il faut que je remette à sa place. Remettez-le. Non, je donne... Moi, ça fait 5 ans. Je donne des conseils, mais après, chacun pioche et... Mes adresses, côté marque, j'aime Hot Baby Bouddha, Gaz by Marie, Aurélie Biedermann. Non mais ça, c'est ma wish list perso, mais ça ne veut pas dire faites comme moi. Oh, je sens que vous n'avez pas bien lu ce bouquin, vous. Ça va pas du tout. Oh, comme pivot, il lit une page sur huit. Hein, oh, quel coquin. D'abord, les mecs, elle dit qu'elle a un style vestimentaire, qu'elle est beaucoup en noir. Sauf que vous aurez remarqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis couleur champagne. Elle est en bleu. Vrai. Elle est couleur chair. Mais ravissante. Couleur champagne. Sophie Favier, le bouquin s'appelle Jamais aussi bien qu'à 50 ans. C'est un mélange de vie et un mélange de bons conseils pratiques. Merci d'être passé ce matin. Merci infiniment. Merci à vous. Oh. Mais vous en êtes une autre. C'est beau. Nous vous mettons dans la liste des invités parce qu'on débriefe quand les invités sont partis. Allez, moi, on la met dire, dans le top 3. Ouais. Moi, je la trouve super belle et super sympa. Mais ouais, pas très naturelle. Pardon de ma. Mais j'ai de l'allergie. Vous avez un pollen très agressif, bande de petits Belges. Ah non, vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Oh, mais merci, merci, merci. Dans un instant, maintenant que les copines ont discuté, qui qu'a dit Hé, il y a 100 000 euros à gagner au concours foot de Créfel. On y va, les gars? Créfel. Les meilleurs prix, service compris. J'ai fait du shopping aujourd'hui. Ah, moi aussi, t'as acheté quoi? Un sac à main. Regarde. Joli. Oh oui, je l'avais vu depuis longtemps et enfin je l'ai acheté. Et toi? Moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Regarde. Oh, une Mercedes. On va faire un petit tour. Attends, je prends mon sac. Jusque fin juin chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponible immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. Non seulement quand vous allez au casino de Spa, la chance peut vous sourire à tout moment, mais d'ici fin juin, vous risquez en plus de repartir au volant d'une Mini. Oui, plus vous passez au casino et plus vous avez de chances de la gagner, cette Mini. Trop facile. Casino de Spa, source de jeu depuis 1763. La grande finale de l'opération, c'est ce jeudi 23 juin. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. Dès le 10 juin, tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 sont en exclu sur la RTBF. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité La 2 présente Quentin Mosimane au Bodestival. Son set DJ vous enverra en orbite. Le Bodestival, c'est aussi Overphonic, Christophe Willem, Charco, Grand Georges et les Frérots de la Vega parmi une vingtaine de concerts du 8 au 10 juillet en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net, réservez vos places sur bodestival.be. Ah, les femmes sont des pestes. Elle débriefait Sophie Favier pendant la pub. Non, bon, on disait qu'elle était magnifique. Oh, oui, et Jérôme de Warzé a dit à Sarah, tu verras. Et ça, je trouvais pas très clair. Ça, c'est... Ah, mesquin. Bouh, nous sommes à Liège. David, bonjour. Bonjour, Benjamin. Bienvenue dans le Kikadi. Vous avez quel âge, vous? 29 ans. Oh, bah tout jeune. Oh, attention. Tu verras. J'ai le temps encore, j'ai le temps. Non, oh, on sera vite au blanchiment dentaire. Oh là là, oh là là, l'andropause est à vos portes. Vous vous êtes déjà renseigné sur l'andropause, David? Non, pas encore, mais je commence à avoir peur. Eh ben, foncez. Bon, on a à peine le temps d'un kikadi, alors. Une phrase à identifier, un cadeau à la clé et un mot pour le live de vendredi. Même à 50 ans, je n'envisage pas une semaine sans faire l'amour. Même à 50 ans, je n'envisage pas une semaine sans faire l'amour. Qui a dit ça? La reine Mathilde, coquine. Sophie Favier, coquine. Ou Joël Milquet, cocasse. Coquine. Non, coquine aussi. Sarah ne joue pas parce qu'elle sait. C'est que pour Julie et Jérôme. Jérôme, vous pensez à qui? Alors, je sais qui c'est. C'est pas Joël Milquet parce qu'elle sait un jour. Comment vous savez ça, vous? Comment? Je le sais, c'est tout. C'est la reine Mathilde a un devoir de réserve, donc je pencherai pour Sophie Favier. Ok, moi, je connais la réponse aussi. Bah, alors, ne dites pas, parce que le sport, c'est de trouver tout seul sans triche, David. Vous me dites... Je dirais Sophie Favier. C'est oui, une bonne. Bravo. Ah, super. Et vous remarquerez que pendant 8 minutes d'interview, je me suis abstenu de lui en parler pour qu'on garde ça pour le Kikadi. Et bravo pour vous, c'est une prouesse. J'ai eu dur. Vous vous sentez transpiré dans toute l'interview. J'ai eu dur. Alors, le cadeau pour vous, c'est le concert de Queen avec Adam Lambert. Oh. Mercredi, génial, super. 15 juin, Palais 12, c'est à Bruxelles. Freddie Mercury ne sera pas là, évidemment. Mais les invitations. Ah bon, oui. Qu'est-ce qu'il devient? On ne le voit plus aux soirées. On ne le voit plus. David, on vous embrasse, à bientôt. Un gros bisou, Benjamin. Ah, à tout le monde. Le mot que vous imposez pour le live de vendredi. Oui, le mot, ce sera pastèque. Pourquoi? Comme ça, une envie d'été, de fraîcheur. Attention à l'andropause et à bientôt, David. Bonne journée. À bientôt, salut, oui. Dans un instant, l'actualité musicale. Il ne lui reste qu'une vingtaine d'années avant le blanchiment dentaire. devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, ça, on est fou. On part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ciao, c'est moi Torticolli. Mais j'adore faire tourner la tête des gens. J'ai l'air en fou. Dès que j'apparais, ils sont comme tétanisés, incapables de bouger. Mais avec l'arrivée de l'autre, là, c'est moi qui ai des problèmes jusqu'au cou. Flexium, gel, crème ou spray, agit rapidement et efficacement au cœur de la douleur. Flexium. Inflexible avec la douleur. Flexium, médicament à l'étophénamate 10%. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne pas utiliser en dessous de 14 ans, sur une peau abîmée, en cas d'hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou lors de la grossesse. Lisez attentivement la notice. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Vivacité présente les 10 miles de Charleroi, le dimanche 19 juin dès 15h. À l'occasion de la brocante des quais, venez courir 5 ou 10 miles sur un parcours urbain unique au départ de la place de la Digue. Sans oublier la course pour enfants et le village d'accueil. Infos et inscriptions sur 10milescharleroi.be. Avec le soutien de l'aéroport de Charleroi et Plastic Waters. Le 8-9. Question d'intérêt général. Nouvelle polémique pour le Stade National. Les contribuables paieraient de leur poche. Comment le rebaptiseriez-vous? Jean-Marie Langlais, parce qu'il est destiné à être principalement utilisé par Anderlecht et qu'on veut mettre le contribuable à poil, le parc à strip. Gaëtan nous dit le Stade Terminal pour cause de cancer du portefeuille. La cuite du jour, Marouane Fellaini arbore une nouvelle coiffure improbable. Quel serait son nouveau surnom? Oui, il est blond maintenant. Oui. Allez voir ça sur la photo, allez voir ça sur la page Facebook du 8-9 et vous répondez à la cuite. Et si vous êtes sur vivacité.be, la revue de presse, l'équipe qui commente les journaux de ce matin et notamment la nouvelle gaffe d'Anthony Vandenborre qui est à l'aéroport et qui crie bombe parce qu'il est énervé contre le personnel. Ça n'a fait rire que lui évidemment, c'est sur vivacité.be, la revue de presse. Julie, il est 8h55. Oui. Marc Lavoine est dans l'actualité musicale. Oui, et avant l'arrivée d'un nouvel album solo, parce qu'il est en train de le préparer, il a voulu réaliser un rêve, réaliser un conte musical. Alors c'est un projet étonnant et c'est l'adaptation d'un conte de Hans Christian Andersen, les souliers rouges. Vous connaissez l'histoire de la petite Catherine qui met des souliers rouges et qui danse comme ça interminablement. Et ce qu'il y a de bien, eh bien, c'est qu'il ne fait pas ça seul. Il s'est entouré de Cœur de Pirate et d'Arthur Ashe. Et dans cet album de conte qui sortira le 17 septembre, eh bien, ils ont tous les trois leurs chansons, leurs présentations. Et donc, Arthur Ashe est un maître de ballet. Cœur de Pirate, c'est une danseuse étoile inspirée par Romy Schneider. Bref, écoutez plutôt Vivre ou ne pas vivre. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Peut-être qu'il faut le voir avec les décors pour être dedans. Ouais, là, mais comme ça, à froid, moi, c'est j'ai dur. Trouvé que c'était vraiment une balade assez intense. Je trouve que les voix se marient super bien. Et Cœur de Pirate, en fait, elle révèle une voix un petit peu moins empruntée. Écoutez le deuxième extrait, on entend juste Cœur de Pirate et je trouve qu'on on a du mal à la reconnaître. Oh non, elle a l'intonation à la Cœur de Pirate. Oui, mais un petit peu moins. Elle joue plus un rôle d'interprète. C'est moins surjoué. Elle s'est imprégnée d'un personnage. Et franchement, pour avoir écouté attentivement la chanson du début à la fin... Ouais. C'est une performance. Vous avez tenu jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très beau projet. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est à la Notre-Dame de Paris. C'est à la... Non, mais c'est un petit peu lyrique. C'est vrai que c'est très, très grand ballet. Mais non. Et puis la voix d'Arthur Ashe qui est assez exceptionnelle. Vous avez compris l'histoire, Sarah? Moi, ça m'a échappé. Ah, ils sont trois. Il y a une danseuse. Oui, la danseuse. Donc, mais du deux conte, souliers. La danseuse du conte d'Andersen qui chausse des souliers rouges et qui n'en finit plus de danser. Ah, voilà. Bah oui, bah écoutez. Moi je pensais que tout le monde était au courant de cette histoire. Ah, ouais, enfin bon. Comme dirait l'autre. Mais bon, on a Pascal Obispo aussi. On a Pascal Obispo qui sort. Ah non. Mais il y a 4 jours. Quand on craque, on est obligé de faire beau vélo. Bon, Pascal Obispo. Il sort le troisième single issu de son album Bombay et deux souliers. Les deux souliers. Écoutez ce titre, ça s'appelle Le Dernier Rendez-vous, c'est très très bien. Mon seul amour, embrasse-moi. Si la mort me veut avant toi, je bénis Dieu, tu m'as aimé. Ce doux hymen, peu d'instants. Tu vois, les fleurs n'ont qu'un printemps. Et la rose meurt embaumée. Mais oui bon, ça va pas mettre tout le monde dans l'ambiance non plus. Hein. C'est il pas, parle en fait. Il parle, hein, donc c'est vraiment le... Le texte est intense. C'est un texte aussi très intense, ça parle de départ. C'est assez triste, hein, peut-être assez noir. Et alors j'ai trouvé qu'il inventait un nouveau parler français. Je sais pas si on peut mettre un deuxième extrait, mais je trouve que... Il dit un truc bizarre. Crains-tu de ne m'entendre pas? Crains-tu de ne m'entendre pas? C'est beau, non? Eh ben c'est comme maître Yoda dans Star Wars. C'est exactement. Content je suis. Alors, ça poursuit le 8-9. Mes chaussures sont perdues. Ah, souliers, mais... Non mais dites-nous, enfin, si vous adorez Pascal Obispo, il sera le 20 juillet au Francophonie de Spa. Et Bruno Tumers, dimanche de 19 à 20h, fait une spéciale interview pendant une heure donc dans Viva en concert. Comme ça, vous aurez de ces petites nouvelles. Voilà. Écoutez, on peut pas dire qu'on vous a pas accompagné dans ce moment musical. Non, non, mais j'étais très contente que vous m'accompagniez parce que c'était de la qualité, encore une fois, ah, aujourd'hui. Bien sûr. Clarté, limpidité, 8-9. Soulier. Oh non. Non, mais dites donc. Oh, non. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Si vous nous regardez sur la Une télé, je prends Denis le livre de Sophie Favier en main. La météo est donc sponsorisée par Jamais aussi bien qu'à 50 ans. Bah écoutez, ça tombe bien, jamais aussi bien. C'est vrai qu'on est en pleine fleur de l'âge, comme dirait l'autre. Allez, ce matin, eh bien, il faut être en forme pour vous parler encore d'orage. Il y en a d'ailleurs un qui sévit déjà en province de Luxembourg actuellement. Et dans le courant de la journée, on s'attend à ce que ça se généralise. Comme hier, la masse d'air est tout aussi instable. On a donc des températures qui vont grimper, 28 degrés en campine, 26 à Bruxelles, 22 sur les hauteurs. Et cet après-midi, donc, à suivre ces développements orageux qui viennent de l'Allemagne. À partir de demain, ça va un petit peu changer. Le vent va passer au nord et les averses vont s'évacuer par le sud. On parlera même d'un temps sec et plus frais pour jeudi et vendredi. Vous écoutez Viva, il est 9h. Tous les palais de justice du pays sont à l'arrêt. Oui, les magistrats ont décidé d'arrêter le travail pendant une demi-heure pour réclamer plus de moyens. Les programmes informatiques sont dépassés, les bâtiments tombent en ruine et il manque du personnel. Et les économies imposées par le gouvernement fédéral n'arrangent rien. Aujourd'hui, juges, avocats et greffiers sont en colère. On est extrêmement fâchés. On a choisi de ne pas faire grève parce que nous avons eu à l'esprit, bien sûr, l'intérêt du justiciable. Mais je crois vraiment que s'il le faut, pour nous faire entendre qu'on fasse grève, ce jour-là, ce sera au finish. Isabelle Schintz, juge auprès du nouveau tribunal de la famille. Véronique Fievet, vous vous trouvez en ce moment devant le palais de justice de Bruxelles. Véronique, ce n'est pas fréquent de voir les magistrats manifester à ce point leur ras-le-bol. Ah non, en effet, ce n'est pas du tout fréquent. La salle des pas perdus est noire de monde en robe noire, puisque c'est la couleur de la robe des magistrats, bien sûr. Ils sont là tous pour dire qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Ils sont juges au tribunal civil. civil, au tribunal du travail, de la jeunesse ou encore, comme on vient de l'entendre, de la famille. Il rappelle que la justice manque déjà de moyens et qu'un plan d'économie, comme le veut le gouvernement, eh bien, cela mettrait la justice tout simplement par terre. Ils veulent aussi que le budget soit voté par le Parlement et pas décidé par le seul gouvernement. Alors leur action devrait se terminer vers 9h15 pour éviter, disent-ils, de trop perturber les audiences de la journée. Des audiences qui commenceront donc aujourd'hui avec environ une demi-heure de retard. Véronique Fievet, en direct du Palais de Justice de Bruxelles. Environ un bus sur 10 circule ce matin à Charleroi. Les piquets de grève sont levés sur ordre de huissier de justice, mais on est encore loin d'un retour à la normale. Les chauffeurs de la CGSP se réunissent en assemblée générale en ce moment pour décider de la suite de leur mouvement. Pas de cours aujourd'hui et demain dans les écoles de l'enseignement officiel de Mons-Borinage. Les profs sont en grève, ils protestent contre les mesures du gouvernement fédéral. Ceci dit, les examens d'Oreto et les jurys externes se tiendront bien comme prévu. Oui, Mons, où ça commence à se sentir mauvais dans les rues. Et les sacs poubelles s'accumulent sur les